C'est une belle découverte et elle vient d'être publiée dans une grande revue internationale, de celle que les scientifiques convoitent tant pour accroître leur impact facteur, le champ social des chercheurs. Et pourtant, le sujet est bien de chez nous. Au cœur d'un chaos de grès du massif de Fontainebleau, se tient caché un art d'exception à l'image de celui de la grotte de Lascaux. On le sait, l'art de la préhistoire est essentiellement cavernicole, ce qui lui a permis de traverser les millénaires. Toutefois, et hormis les petits objets, un art rupestre rarissime s'avère aussi présent en plein air, à Fontainebleau, comme dans l'étonnante vallée de Foxcoa, au Portugal, et découverte en 1991. Sur le terrain et dans les laboratoires, le magazine d'archéologie de France Culture suit au plus près l'actualité du passé. Mais ce dont nous allons parler ce soir, c'est bien de sexe, car cette découverte n'est autre que l'expression paléolithique de l'origine du monde, une œuvre préhistorique que Gustave Courbet n'aurait probablement pas reniée. Cette origine du monde, je l'ai vue en 2017. Je m'étais rendu au cœur de la forêt de Fontainebleau en très bonne compagnie. Jean Rouault, écrivain et prix Goncourt, encadré de deux préhistoriens, Boris Valentin et Alain Bénard. Ce soir, Boris Valentin est en direct au téléphone pour nous expliquer cette improbable découverte publiée dans Journal of Archaeological Science Report. Boris Valentin, bonsoir. Bonsoir. Professeur de préhistoire à l'Université de Paris 1, votre terrain de recherche porte sur la fin du paléolithique supérieur. Avant d'évoquer cette origine du monde préhistorique, ouvrons le sujet à un thème plus large. Malgré l'archéologie des genres, la gender archaeology, les femmes semblent les grandes absentes de cette préhistoire, alors qu'elles y ont contribué au moins pour moitié. Oui, les femmes sont encore relativement invisibles en préhistoire et pour deux raisons. D'abord en raison de la répartition probable des activités chez les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, et cette répartition a un peu de chance d'avoir été différente de la répartition très stricte chez les chasseurs-cueilleurs récents. Dans ces sociétés, pour des raisons strictement idéologiques, j'insiste, des activités cruciales reviennent aux femmes, comme la cueillette, la confection des vêtements, mais ce sont des activités qui laissent peu de traces archéologiques. Aux hommes, plutôt la chasse, sauf exception. Alors c'est très débattu ces jours-ci, depuis la publication de tombes péruviennes préhistoriques, de femmes qui seraient accompagnées d'instruments de chasse, à voir si ce sont des instruments de chasse, si ce sont vraiment les leurs, si ce sont des exceptions. C'est à suivre. Et puis invisibilité pour une autre raison. Longtemps, la préhistoire a été faite par les hommes, mais cela a heureusement changé depuis les années 1980, d'où ces débats, d'où l'invention probable de nouvelles méthodes pour redonner une visibilité aux activités qui ont laissé peu de traces. C'est ça l'archéologie, hein, rendre visible ce qui ne l'est plus, en particulier les invisibles de l'histoire. Alors partons dans les bois de Fontainebleau. Cet art préhistorique est surtout représenté par deux chevaux, caractéristiques de l'art paléolithique. Oui, très caractéristique, il n'y a aucun doute possible, et ça dès la découverte en 1981. L'histoire de l'art ne commence heureusement plus avec l'Antiquité, et dans cette longue histoire, les arts du paléolithique récent d'Europe se reconnaissent le plus souvent au premier coup d'œil. Alors pour vous, le style est caractéristique de celui de la grotte de Lascaux. Lascaux d'ailleurs qui vient d'être daté tout récemment cet été et qui donne à peu près 21 500 ans avant aujourd'hui. Oui, il n'y a pas plus de doute hein, à propos de cette parenté avec Lascaux. On reconnaît immédiatement ce qu'on pourrait presque appeler l'école de Lascaux. C'est un véritable tournant dans cette histoire de l'art, comme l'ont montré encore récemment Emmanuel Guy et quelques autres chercheurs. Ici, on dirait vraiment un cheval échappé du diverticule axial de Lascaux, tellement il est proche stylistiquement. Alors, ils sont deux. L'un est très beau, complet, gravé, bien sûr, et l'autre est inachevé, semble-t-il. Et ils marchent dans le même sens. Oui, absolument, et ils encadrent donc une figure tout à fait stupéfiante. Et alors, au milieu de ces chevaux, qu'y a-t-il exactement ? Alors, au milieu, il y a trois grandes incisions profondes qui évoquent donc un pubis féminin et qui sont encadrées par, qui s'insèrent dans un relief naturel. Avec, si on laisse courir l'imagination, des cuisses de part et d'autre, et puis un ventre proéminent au-dessus.

ce signe-là, cette forme-là, qui est intelligible pour ces gens-là. Donc on est sûr d'une chose, c'est que ça dit. Ça nous échappe ce que ça dit, mais ça dit. Peu après notre visite, l'aventure continue. Le 23 janvier 2018, c'est la grande découverte, Boris Valentin. Oui, il y avait eu des très grosses pluies, des inondations de la Seine, et Médard Thierry, qui est géologue de notre équipe, est passé. La fente vulvaire, à côté du petit cheval, coulait. Il s'est demandé ensuite si c'était accidentel ou si les préhistoriques n'avaient pas facilité l'apparition régulière d'eau en creusant justement les fentes. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce sont des bassins qui auraient été partiellement creusés, aménagés. Alors l'eau coule en cas de forte pluie, et en plus il y a des petits bassins au-dessus de dans une petite galerie adjacente, mitoyenne, il y a des petits bassins qui ont été aménagés par des percussions volontaires, et donc à partir de là, le géologue s'est demandé, Médard Thierry s'est demandé, si on n'avait pas pu installer là un véritable dispositif hydraulique. Hein, le premier que l'on reconnaîtrait donc alors dans l'art préhistorique de ces époques. Et donc, il s'est demandé si, à partir d'une connaissance empirique de la façon dont la roche absorbe l'eau et la restitue lentement, eh bien, les préhistoriques n'ont pas pu mettre en scène cette apparition d'eau à travers ces fentes sculptées qui encadrent le pubis et qui canalisent la micro-résurgence. Ce que vous avez tenté, d'ailleurs, vous avez tenté l'expérience avec 50 litres d'eau. Que se passe-t-il ? Eh bien, au bout de 2 jours à peu près, en chargeant régulièrement les petits bassins, donc 50 litres au total, eh bien 50 litres par jour, ce qui fait l'équivalent de 5 seaux hein, à peu près, donc c'est pas grand chose. En chargeant les petits bassins, 50 litres par jour, au bout de 2 jours environ, eh bien l'eau sort par la fente vulvaire. Nous voici devant un aménagement pour guider l'eau, composé de réservoirs, de gouttières. C'est une exception en préhistoire ? Bah, c'est une petite installation artistique, hein, un peu isolée encore, comme le rappelle dans la conclusion de l'article mon collègue Éric Robert. Mais en cherchant, on trouvera peut-être. Pour l'instant, dans la grotte Chauvet, beaucoup plus ancienne, il y a une retenue d'eau aménagée, sans fonction déterminée, je crois. En revanche, plus on étudie l'art des grottes, plus on décèle d'interactions avec la roche, en plus des dessins et des peintures, des gravures, des bris de stalagmites, là où il y en a, des objets dans les fissures, des grattages, etc. Il y a plein d'interactions. La caverne est participante, comme disait le roi Gourand, et à plus d'un titre. Et je crois que c'est très important d'insister là-dessus pour notre propos. Les artistes ont mis en valeur de très nombreux reliefs naturels qui évoquent des sexes féminins ou masculins. La grotte elle-même présentant sans doute une forte connotation féminine, hein, les entrailles de la terre, cela traîne encore dans beaucoup de mythologies. Il y a bien sûr la grotte Chauvet, mais il y aurait peut-être aussi la grotte de Pergouzet. Oui, alors là, c'est un lien entre certaines figures et puis une circulation naturelle d'eau qui avait été soulignée par Michel Lorblanchet. Donc, cette vulve et ces deux chevaux représentent de l'art, mais il faut prendre en considération désormais l'ensemble du rocher, l'ensemble du massif. Ah oui, bah pour l'instant elle est isolée, hein. Pour l'instant c'est très isolé, je pense que c'est une question de conservation différentielle. Il y avait peut-être des gravures paléolithiques ailleurs dans le massif, sûrement, mais celle-ci seulement a subsisté. Hein. En revanche, on a beaucoup de gravures plus récentes, dont du 8e millénaire, qu'évoquaient tout à l'heure Alain Bénard et Jean Rouault. Nous voici devant ce que l'on pourrait appeler une installation artistique. Boris Valentin. Oui, c'est quelque chose qui semble-t-il fonctionne, hein, et ça ouvre des perspectives tout à fait fascinantes sur la mise en scène possible, la mise en scène rituelle possible de cet ensemble. Alors comment expliquer tout cela ? Revenons aux deux chevaux qui encadrent l'origine du monde. Pourrait-il y avoir un lien ? Le cheval pourrait-il être un symbole sexué comme le pensait André Leroy Gourand ? Alors que le cheval soit un symbole très fort, c'est certain, tellement il a été représenté à l'époque aux côtés de quelques animaux seulement. Le bestiaire paléolithique est très très sélectif et il ne correspond pas ou que très partiellement au gibier chassé. Alors le cheval symbole masculin, comme le pensait André Leroy Gourand au terme de tout un raisonnement, je ne me risquerais pas aussi loin. mais à considérer les nombreux mythes d'origine du monde, on y revient, dans ces mythes cosmogoniques, il y a un thème qui revient souvent, c'est que l'origine de toute chose se trouve dans le milieu souterrain, la matrice, où les êtres vivants, et notamment les animaux, se sont formés. Nous avons un cheval, nous avons deux chevaux même, une vulve au milieu. Est-ce que dans d'autres grottes, ces vulves et ces chevaux sont associés ? Il n'y a pas d'association particulière entre chevaux et vulves, mais il y a des représentations de vulves gravées, peintes, dessinées. Et il y a aussi donc tous ces reliefs évocateurs, ne serait-ce que la découpe de certaines galeries, qui est parfois extrêmement suggestive. En tout cas, loin du puritanisme du XIXe siècle, j'aime à penser que cette œuvre si proche de celle de Gustave Courbet n'a rien de scandaleuse au cœur de la société magdalénienne. Alors si l'hypothèse d'un mythe d'origine est juste, on est face à quelque chose de sacré, quelque chose de très puissant. C'est comme cela que je le ressens à chaque fois que je m'y rends. Mon trouble est intact après plusieurs dizaines de visites. Quelque chose d'absolument fascinant mais qui n'a rien de pornographique, tout comme le tableau de Courbet auquel j'ai tout de suite pensé la première fois quand j'ai vu ce relief. Alors à noter tout de même que les actes sexuels ne sont jamais représentés dans l'art pariétal, dans l'art paléolithique, même si le sexe est donc extrêmement présent. En ce sens, c'est tout de même un art assez pudibond, comme le disait souvent mon ami Nicole Pigeot. Peut-on aller plus loin ? Bien sûr, tout un chacun peut y voir une représentation de maternité, ou tout au contraire le contrôle de la sexualité masculine dans la société ici magdalénienne. Ce regard sur l'art n'appartient pas aux archéologues, c'est avant tout une œuvre bonne à penser. Alors j'ai le sentiment d'être allé déjà très loin face à ces œuvres muettes, hein, qui mettent au défi l'historien de l'art, confronté à la seule image, et ici tout de même à une part de son fonctionnement avec ce petit dispositif. Des œuvres qui mettent aussi les poètes d'aujourd'hui au défi, et j'invite à lire le splendide livre de mon ami Jean Rouault, paru en 2018, « La splendeur escamotée de Frère Cheval » ou « Le secret des grottes ornées », qui parle d'art préhistorique, mais pas seulement. Et là, le poète relaye le chercheur, qui n'ose pas trop interpréter, et le chercheur a raison d'être prudent, puisqu'on sait si peu de choses sur le contexte. Avec Jean Rouault et d'autres, le plus important, je crois, c'est que l'art préhistorique continue à vivre dans nos imaginaires. Boris Valentin, merci beaucoup d'avoir été en direct. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Najar, la technique Alexandre Dang, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, notre sujet portera sur Autun en emporte le temps.